shut the fumerie. Alouette, gentille alouette. Alouette, shut the fumerie. Shut the fumerie la tête. Shut the fumerie la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Qui dort le pleurs pour moi.